C'est fou le prix que ça coûte d'aimer quelqu'un. Des fois, il vaudrait mieux aller se branler plutôt que se faire chier avec des pétasses qui veulent même pas baiser. C'est fou le prix que ça coûte. Putain, ça fait chier. Des fois, il vaudrait mieux aller se branler plutôt que s'emmerder avec des pétasses qui veulent même pas sucer. Oh, c'est fou le prix que ça coûte d'aimer quelqu'un.